Le voyage de Marie-Antoinette, Vienne, Strasbourg, Châlons, Versailles, mai 1770, par James de Chambrier. La demande solennelle de la main de l'archiduchesse Marie-Antoinette s'était faite le 16 avril 1770 par le marquis de Durfort. La ville de Vienne eut des réjouissances, la cour des banquets et des spectacles. L'impératrice Marie-Thérèse, mère de l'archiduchesse, avait réglé le 13 les arrangements définitifs, remis les dernières notes à M. de Kaunitz, annoncé le 14 à ses ministres une union qui comblait ses vœux. L'archiduchesse, parée du portrait du dauphin, signait le 17 sa renonciation à l'héritage de sa famille et se mariait le 19 par procuration. L'archiduc Maximilien représentait le dauphin. Usage singulier qui met dans la bouche d'un tiers des serments qui ne le lit point, qui engage la foi d'une princesse à un être qu'elle ne sent pas auprès d'elle et qui lui reste étranger. La signature au registre impérial eut lieu avec éclat au palais de la Burgue. La famille impériale, la cour, la noblesse, de nombreuses députations remplissaient les salles et entouraient le trône. L'impératrice, très émue, apparut avec sa fille et fut accueillie par un profond silence. Les visages étaient sérieux. La pensée d'un départ absorbait celle d'un mariage. Quand Marie-Thérèse prit la plume, sa main trembla. Sa fille s'avança, modeste, recueillie, et signa son avenir avec simplicité. Son cœur se troublait pourtant à la pensée de quitter Vienne. D'indéfinissables regrets commençaient à assombrir les espérances qu'éveillaient en elle les premiers parfums du printemps qui s'ouvraient. Marie-Thérèse, qui ne pouvait regarder sa fille sans se sentir émue, la retenait auprès d'elle, voulait en jouir comme d'un bien qu'elle allait perdre, la prenait sur ses genoux, la couvrait de baisers, la faisait coucher dans sa chambre, consultait sur son avenir la science divinatrice de Gessner. Le docteur ne s'engagea guère et répondit laconiquement qu'il était décroît pour toutes les épaules. L'impératrice, en s'attristant de celle qui attendait son enfant, n'en soupçonnait ni la durée ni le poids. L'avertissant des exigences d'une position qui l'appellerait à vivre pour les autres, à se vaincre, à veiller sur elle-même, elle l'entretenait de ses prochaines destinées, lui rappelait que l'adoucissement des peines et le soulagement des pauvres sont le devoir du trône, qu'elle ne devait à Versailles se confier qu'au dauphin et non aux courtisans qui seraient vite changés en défaut sa douce ingénuité, qu'il faudra faire abstraction d'elle-même sur le règne de Louis XV et ne pas oublier l'Autriche en se donnant à la France. « Quel bonheur j'aurais eu, lui disait-elle, à vous établir près de moi, mais je m'efface devant les intérêts de l'Autriche et devant votre bonheur qui me paraît assuré. Écrivez-moi souvent. J'arroserai vos lettres de larmes. Je n'écris point comme Madame de Sévigné, mais vous êtes plus parfaite que sa chère fille, et je vous aime autant qu'elle l'aimait. » Marie-Antoinette quitta Vienne le 21 avril. Elle ne voulait plus partir. L'impératrice ne voulait plus la quitter. « Une grande distance, lui disait-elle en la tenant embrassée, va vous séparer de moi. Faites tant de bien aux Français qu'ils puissent croire que je leur ai envoyé un ange. » Les sanglots étouffaient sa voix. Marie-Antoinette dut s'arracher de ses bras, fuir son palais, ses serviteurs, ses amis, et se jeta dans la voiture qui eut peine à se frayer passage au travers des rues encombrées, toutes pleines de regrets et de bénédictions. Vienne restait attristée. L'impératrice ne trouvait de consolation qu'à parler de sa fille. « Votre épouse, mon cher dauphin, écrivait-elle à Versailles, vient de se séparer de moi. J'espère qu'elle fera votre bonheur. Je l'ai élevée dans ce dessein, parce que je prévoyais depuis longtemps qu'elle devait partager vos destinées. Je lui ai inspiré l'amour de ses devoirs envers vous, un tendre attachement envers votre personne, l'attention à imaginer et pratiquer ce qui peut vous plaire. Je lui ai recommandé avec beaucoup de soin une tendre dévotion envers le maître des rois, persuadé qu'on fait mal le bien des peuples qui nous sont confiés quand on manque à celui qui brise les sceptres et renverse les trônes comme il lui plaît. Aimez donc vos devoirs envers Dieu, je vous le dis, mon cher dauphin, je le dis à ma fille, aimez à faire le bien des peuples sur lesquels vous régnerez beaucoup trop tôt. Il est impossible qu'en vous conduisant ainsi, vous n'ayez pas le bonheur en partage. Ma fille vous aimera, j'en suis sûr, parce que je la connais. Mais plus je vous réponds de son amour et de ses soins à vous plaire, plus je vous recommande de lui vouer le plus sincère attachement. Adieu, mon cher dauphin, soyez heureux, je suis baigné de larmes. » Celle de sa fille coulait encore à Innsbruck. À Kehl, elle quitta le sol allemand. Un pavillon composé d'une grande salle et de deux pièces latérales avait été élevé au milieu du pont qui traverse le Rhin et orné de tapisseries d'après les cartons de Raphaël. Ces tableaux, dit Goethe, étudiant à Strasbourg, présentaient l'histoire de Jason, de Médée et de Créuse, par conséquent l'exemple de l'union la plus infortunée qui fut jamais. « Je n'ai pas besoin de dire, ajoute-t-il sous l'impression de la catastrophe du 30 mai, que dans cette occasion, les horribles tableaux de la grande salle se représentèrent avec vivacité à mon esprit, car personne n'ignore combien sont puissantes certaines impressions morales quand elles s'incorporent en quelque sorte à des impressions matérielles. » Conduite au pavillon qui représentait l'Autriche, la dauphine dut changer jusqu'à ses bas, revêtit une toilette venue de France et s'avança dans la grande salle où l'attendaient les personnes de son service envoyé de Versailles. Elle y reçut leurs hommages, demanda à Madame de Noailles ses conseils et son appui. Madame de Noailles, excellente, mais affamée d'étiquette, ne sut trop que faire du trouble de ce jeune cœur. Ses trois révérences, préparées de long cours, se trouvèrent suspendues, elle chercha à les reprendre. Quelques larmes avaient mouillé les yeux de la dauphine. « Pardonnez-moi, dit-elle, c'est pour la famille et la patrie que je quitte. Désormais, je n'oublierai plus que je suis française. » Ses larmes se séchèrent, ses lèvres retrouvèrent leur sourire. Sa nouvelle cour fut enchantée, on la proclama adorable. Le cortège prit la route de Strasbourg au bruit du canon et au son des cloches. Partout des acclamations, des fleurs, des arcs de triomphe, dont les inscriptions annonçaient à la France une éternelle félicité, à la dauphine l'empire qu'avait pris sur les cœurs son âme et sa figure. Strasbourg l'accueillit au vivat d'un peuple immense. Reçue à l'entrée de la ville par le maréchal de Contade, elle trouva les rues jonchées de verdure, les maisons ornées de tapis, des jeunes filles pour lui présenter des bouquets, des bergers et des bergères pour lui offrir des fruits. Les pauvres eurent des aumônes, le peuple des divertissements, des distributions de vivres et des fontaines de vin. Les paysans, accourus de toutes parts, cherchaient une princesse magnifique et s'étonnaient de ne trouver sous l'éclat de son cortège qu'une fille au doux visage. « Qu'elle est belle !» disaient les uns. « Qu'elle est bonne !» criaient les autres. « Les Français, répondait la dauphine, ont pour moi les yeux de l'indulgence. J'espère que ces louanges ne me suivront pas toujours. Je n'ai encore rien fait pour les mériter. » L'autorité, pour éloigner ce qui pouvait attrister les regards de la dauphine, avait interdit la voie publique aux estropiés et aux mendiants atteints de maladies repoussantes. Goethe, versifiant cet arrêt, opposa l'exemple du sauveur appelant les paralytiques à la venue de la dauphine qui les faisait fuir. 25 des plus belles jeunes filles de la ville composaient le service de la dauphine, qui reçut au palais jusqu'à une députation du canton de Bâle, assista au banquet suivi d'une danse de tonnelier et d'une fête à Bacchus, parut au théâtre et traversa pour aller au bal les rues illuminées. C'était le 7 mai. Le 8 au matin, la dauphine fut reçue et haranguée à la cathédrale par le prince Louis de Rohan, coadjuteur de son oncle, le cardinal évêque de Strasbourg, nom qui devait associer au sien d'une manière bien funeste. Elle n'oublia pas de visiter à Nancy les sépultures des princes de Lorraine. À Bar, à Lunéville, à Commercy, à Châlons, ce ne furent qu'ovations et banquets. Près de Châlons, un vieux prêtre s'avança, muni d'un discours à grand effet, et débuta par ces mots de Salomon à la reine de Saba, « Pulcra es et formosa ». Malheureusement, l'éclair un peu malicieux du regard de la dauphine le jeta dans une redoutable complication de phrases, et il cherchait inutilement dans le bouquet qu'il devait offrir le moyen de s'en tirer quand la dauphine lui adressa des remerciements qui rendirent à l'orateur son allégorique éloquence et le mirent à même de mieux finir qu'il n'avait commencé. Reims la reçut avec des buissons de fleurs sous des arceaux de verdure. Soissons avait orné de rubans et de guirlandes une belle avenue d'arbres fruitiers et convié la population à de joyeux repas. « Je contracte, disait la dauphine, une dette que je ne pourrai acquitter. On me tiendra compte du désir que j'en ai. » Un nuage avait à Saverne assombri ses impressions. Sa suite autrichienne s'était séparée d'elle. Il ne lui resta que M. de Sarnenberg, porteur d'une lettre de sa mère. « Du dauphin, je ne vous dis rien, » écrivait Marie-Thérèse. « Vous connaissez ma délicatesse sur ce point. La femme est toute soumise à son mari et doit faire ses volontés. Le seul vrai bonheur en ce monde est un heureux mariage. J'en peux parler. Tout dépend de la femme, si elle est complaisante, douce et amusante. » Questionnée par une de ces dames sur le désir qu'elle devait éprouver de voir son époux, la dauphine trouva qu'on se pressait un peu de le lui demander. « Je vous répondrai, dit-elle, le lendemain de mon arrivée à Versailles. » Près de Soissons, quelques écoliers imaginèrent de la complimenter en latin et ne furent pas peu surpris de sa réponse aussi classique que leur discours. Elle ne leur cacha pas cependant que la langue de leur pays serait plus agréable à son cœur devenu français. La cour attendait à Compiègne. La dauphine en approchait avec joie et souci. Louis XV, très impatient, se préoccupait de savoir s'il avait de jolies mains, de beaux bras, un petit pied, des épaules élégantes, la taille bien prise. Ces questions allèrent plus loin et mirent dans l'embarras le sieur Bourret, arrivé de Strasbourg avec le prince de Poix pour présenter le contrat d'échange. Le roi demandait ceci, cela, et comme le secrétaire s'excusait de n'y avoir pris garde, Louis XV, le prenant en pitié, le déclara inhabile à regarder les femmes. Ce fut au point de Berne, dans la forêt, que la dauphine aperçut Louis XV. Elle courut se jeter à ses pieds et parut un instant comme embarrassée sous son regard plus curieux que paternel. Louis XV la releva, l'embrassa tendrement, la trouva mieux que son portrait, la présenta au dauphin, qui, plus interdit qu'elle, la regardait presque à la dérobée, et pour parler le langage officiel, la salua à la joue. Que pensa la dauphine de cette première entrevue? Quelle fut son impression à ce regard échangé? Elle ne paraît pas avoir été particulièrement saisissante. Lui-même, sans paraître autrement troublé par l'apparition de son bonheur, resta dans les limites de la plus tranquille admiration. Louis XV, dont l'attente était fort dépassée, ne se gêna pas de le dire avec un enchantement partagé par la cour. Il présenta sa famille, les princes, son entourage. La dauphine eut pour tous un de ces regards qui demandent et promettent l'affection. La route de Compiègne à Saint-Denis, véritable fleuve de gens et de voitures, cohue immense et enthousiaste, frappa la dauphine. Elle voulut que Louis XV se crût lui-même applaudi dans les acclamations dont elle était l'objet. « C'est, dit-elle adroitement, le bonheur qu'on a de voir le roi. » À Saint-Denis, une visite à Madame Louise, fille de Louis XV, retirée au couvent des Carmélites, fut bien accueillie par les religieuses. L'austère princesse n'était pas favorable à l'alliance autrichienne, mais par de doux reproches sur sa retraite, la dauphine gagna son cœur. Elle trouva à la muette les deux frères du dauphin, Mesdames Clotilde et Élisabeth, les diamants de la feu dauphine, le fameux collier de perles apporté par Anne d'Autriche, et aussi, chose moins agréable, les écueils de la présentation de Madame du Barry. « Comment trouvez-vous la comtesse ? » lui dit-on. « Charmante, » répondit-elle. Et comme cet éloge ne faisait pas le compte de la malignité, on ajouta que Madame du Barry n'avait à la cour que la mission d'amuser le roi. « Dans ce cas, » reprit-elle gaiement, « je me déclare sa rivale. » Marie-Thérèse et M. de Vermont n'avaient pu être sans lui dire un mot des accointances équivoques et des affections malsaines qui se disputaient à Versailles, sans lui recommander les ménagements nécessaires à une situation qui l'obligeait d'accepter un pouvoir incontestable et de fermer les yeux sur un fait accompli. L'esprit observateur de la dauphine dirigea sa conduite. Elle dut souper avec Madame du Barry. Après ce souper périlleux, la famille royale repartit pour Versailles. La dauphine resta à la muette. « C'est le seul moment, dit-elle, où j'ai pu penser à moi-même. » Le 16 mai, à 10 heures du matin, elle entrait dans la cour de marbre. Le dauphin l'y reçut. Le roi vint au-devant d'elle. Revêtue de sa toilette de mariée, introduite dans les appartements où la cour l'attendait, elle y fut entourée de son cortège et prit avec recueillement le chemin de la chapelle. Agenouillée, vivement émue, les 12 époux se jurèrent au pied de l'autel une foi réciproque, s'unissant aux yeux des hommes pour jouir ensemble de ce que la terre offre d'heureux et de brillant, s'engageant devant Dieu pour s'entraider dans la souffrance, pour arriver par les mêmes peines à la même élévation. Les félicitations, les présents suivirent la cérémonie, et ce fut pour la dauphine un beau spectacle que celui de ses cours encombrées, de ses jardins animés par la foule, de ses salles de glace et d'or dans lesquelles se pressaient toutes les illustrations de la France. Pendant que les jeux, les spectacles et les distributions de vivres se préparaient dans le parc, le château n'avait d'yeux que pour la nouvelle étoile qui se levait sur Versailles. La vérité pâlissait sous l'exagération. On l'appela un ange consolateur, un flambeau d'espérance, la Vénus de Médicis, l'Atalante de Marly, Flore elle-même. Elle a, disait-on, la démarche d'une déesse sur les nues, le sourire de Hébé, le regard de Junon. Bachaumont se félicita de l'incarnat qui colorait ses joues et la dispensait du rouge qu'il ne pouvait souffrir. On croyait avoir sous les yeux un objet céleste, dit l'enthousiaste Montjoie. Et elle parut mieux que belle, ajoute Madame Campan. Mais le ciel refusa ses sourires. Un violent orage éclata sur Versailles, le tonnerre troubla toutes les réjouissances, la pluie chassa la foule, inonda le parc, noya les illuminations. Ce fut un désarroi général, un lamentable sauve-qui-peut. Ainsi s'achève le voyage de Marie-Antoinette, Vienne, Strasbourg, Châlons, Versailles, en mai 1770, par James de Chambrier.